j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. 3 minutes ! C'est le 27e jour du confinement, et si tu ne sais pas quoi regarder aujourd'hui, ça tombe bien car Ulysse te conseille Cabale de Clive Barker. Closer than you might think is a place that's not on any map. Midian. Something's breathing there. It looks a lot like hell. But they call it home. There goes the neighborhood. 3 minutes. T'es un enfoiré. Bon. Ulysse, on ne parle pas du temps qui est que blague annulée. J'allais dire, on parle pas du temps de ta première fois. Voilà. Alors, 3 minutes pour une première fois, c'est très honorable. Oui, justement, ne parle pas. Blague annulée. Bref, parle du film. Donc, Cabale, c'est un film réalisé par mon chouchou, mon amour, à savoir Clive Barker, qui est donc un dramaturge, réalisateur, scénariste et surtout écrivain américain. Anglais, je suis con. Qui est notamment connu donc pour avoir écrit le bouquin Livre de sang et pour avoir réalisé un petit film, je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu, ça s'appelle Hellraiser, je sais pas, c'est genre un des plus grands films d'horreur de tous les temps, je dis ça, je dis rien. Il a toujours en fait ce petit côté très charnel, très très body horror, très monstrueux qu'il a beaucoup. Il aime beaucoup créer des monstres. Et ça tombe bien parce que dans ce film, nous pouvons retrouver en acteur le très bon, le très beau, le très fort, le très musculeux David Cronenberg qui joue le rôle du méchant principal. Et franchement, je pourrais fermer ma gueule à partir de là. L'enregistrement serait déjà parfait. Il y a David Cronenberg qui joue dans le film de Clive Barker, bordel de merde. Mais bon, ce serait un petit peu léger. Et du coup, je veux parler du film. Ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Boone, qui appelle son fils Boone, ça je sais pas, qui décide en fait de se barrer, de se casser de là, de se barrer de sa vie parce que il est accusé de meurtre qu'il ne semble pas avoir commis, de meurtre assez glauque en plus. Et donc, il va arriver en fait dans une ville magique, maudite, bizarre, étrange, où vivent des monstres. Une ville qu'il voyait dans ses rêves en fait. Et il va se faire poursuivre par celui qu'on appelle le docteur Philippe Decker, qui n'est pas un gars très très gentil. Et il se fait aussi poursuivre par sa fiancée, parce que voilà, il est parti acheter des clopes, il n'est pas revenu, elle se pose des questions. Pour la musique, on est sur du Danny Elfman, qui est un compositeur absolument génial, que vous connaissez pour les films de Burton, qui est un réalisateur extrêmement surcoté. Et là, c'est bon, vous pouvez quitter le podcast, je trouve Burton surcoté, allez vous faire foutre. Le tir à balles réelles tout de suite, Ulysse est mort, voilà, Ulysse a été assassiné chez lui suite à cette phrase. Putain de merde. Donc... non, s'il vous plaît, je pensais pas ce que je disais. Très immersif, le podcast audio. Qui là, pour moi, Danny Elfman balance sa meilleure composition avec une autre composition, mais j'en parlerai plus tard dans le podcast, dans quelques jours. Clin d'œil, on fait du foreshadowing. Et c'est un film donc qui est vraiment très bien. Déjà, si vous aimez les monstres, les maquillages SFX et tout, sachez que Clive Barker et ses potes, ils ont fait 130 maquillages de monstres différents. Et c'est pas genre 130 maquillages pendant tout le truc, c'est genre chaque monstre est différent, ils apparaissent à l'écran, c'est une dinguerie. Voilà, le film dure 1h45 pour sa version cinéma et 2h30 pour sa version Director's Cut, que je vous conseille, la Director's Cut, voilà, c'est la vie. Et c'est un film du coup qui mélange film d'aventure, film de monstres et... film fantastique. Je pourrais pas vraiment appeler ça un film d'horreur, étant donné qu'à part les monstres, il n'y a rien d'horrifique dans le film. Et franchement, vous pouvez mettre votre gamin de 12 ans devant. Il y a une ou deux scènes un peu trash, mais à part ça, vous pouvez mettre votre gamin de 12 ans devant. Ce sera son premier Clive Barker. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, en fait, nous sommes en face d'un film qui, en réalité, cache un message. Sachez que Clive Barker est homosexuel, qu'il et de, qui a évolué dans les années 80, ce qui n'était pas une période très facile pour les homos. Et donc, dans son film, il dénonce un peu toute cette haine, ou toute cette homophobie, en fait. En même temps, c'est pas très très subtil. T'as une population qui est cachée sous le sous-sol. Et du coup, bah, les méchants, c'est ceux qui sont pas là. Et eux, ils ont rien fait de mal, ils sont gentils. Et c'est les humains, les méchants. Non, je dis ça comme si le film était con et tout, et manichéen. Mais le film est pas con et manichéen du tout, en fait. Pas genre. Mais voilà, c'est une très belle métaphore de l'homosexualité. À travers donc, les Nightbreed, qui sont en réalité donc, une métaphore. Vous avez compris. Waouh, le cinéma, c'est très très intelligent, dis donc. Et du coup, bah, voilà, c'est génial. Vraiment. Il y a Doug Bradley qui joue dans ce film, en plus, bordel de merde. Doug Bradley, qui joue Pinhead aussi. D'ailleurs, comme information, l'acteur qui joue Boone, à savoir Craig Schaeffer, il a joué dans Hellraiser 5, qui est une grosse daube. Je m'éparpille à fond, mais bon, on s'en bat les couilles. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce film, parce que sinon je vais vous spoiler et je rentrerai trop dans les détails. Voyez ce film, il est disponible absolument nulle part. Enfin si, il est disponible sur Amazon Prime. Si vous avez un VPN, il est disponible mais que en Amérique. Et sinon, vous pouvez vous acheter la magnifique édition ESC du film, donc la Blu-ray DVD, qui est, ma foi, fort qualitative. Je l'ai, pour ma part, c'est une très belle pièce de collection, je l'aime beaucoup. Eh ben, on souligne comme hier que Ulysse adore le format physique. Parce que moi, voilà. J'ai de la thune, pauvre. Ouh, le capitalisme. Ouh là là, attention. Attention. C'est communiste. Attends, j'ai un truc à dire. Voilà, ça vous fera de la culture. Parce que, voilà. Je suis désolé, hein. Le prenez pas mal, je suis comme ça avec tout le monde. Il y a du coup Kurt Cobain qui a dit un jour, « Depuis que je suis riche, je prends moins de plaisir à écouter de la musique parce que avant je galérais à acheter mes CD et du coup à chaque fois que j'en achetais un avec l'argent que j'économisais je savourais à fond. Maintenant je suis tellement riche que je peux m'acheter le disquaire et du coup je prends beaucoup moins de plaisir à écouter de la musique. Donc c'est très très important de foutre sa thune dans l'œuvre d'art, dans l'art en général, acheter des bouquins, acheter des DVD, acheter des Blu-ray, acheter des BD, acheter des mangas, parce que on a toujours plus de facilité à apprécier l'œuvre si on l'a acheté et qu'on a fait de l'effort d'investir son argent là-dedans, plutôt que si on la regarde sur Internet, ou qu'on la télécharge, ou qu'on la craque, ou n'importe quoi. Voilà. Après, je veux pas dire quand même, hein, mais regarder Tenet sur mon téléphone, c'est mieux. Ferme quoi, ta gueule, non. C'est bien évidemment. Déjà, deux erreurs. Premièrement, regarder tu Tenet. Et tu peux regarder sur son téléphone. ça chez vous. Bref, je tenais aussi à rajouter que il était dispo. Enfin, dans tous les cas, en France, vous le trouverez nulle part, à part en DVD. En DVD. Par contre, si vous avez votre VPN et que vous vous localisez aux États-Unis, vous pouvez aussi le louer sur Apple TV et Amazon et l'acheter sur Apple TV et Amazon. Voilà. Tous les YouTubeurs vous vendent des VPN alors que ça vous servira genre deux fois par an. C'est le moment de le rentabiliser, les gars. Exactement. Vos placements de produits NordVPN abusifs. Voilà. Bon, en tout cas, c'est moi qui va faire l'outro, je vous emmerde. Non. Merci beaucoup d'avoir suivi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours mon podcast. Donc tu te casses. Pour l'instant. Il veut prendre ma place, putain. Je suis sûr que les gens vont apprécier. Ils vont me réclamer. Ils vont faire putain, merde, la semaine est si vite passée. Il est où, Ulysse? Eh ben, on verra bien. Écoute, en tout cas, si vous appréciez la compagnie d'Ulysse, n'hésitez pas à regarder Cabal ou Nightbreed en VO. Et si vous n'êtes pas convaincu, on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. Et ce sera encore moi, je vous emmerde. Ce sera lui jusqu'à dimanche. Je suis insupportable.